rejette pas tes fautes sur les tiens. Le choix de la voie de t'empreinte t'appartient. Ne t'influence pas de ce que les gens te disent. N'écoute pas leurs critiques, n'écoute pas leurs sottises. On n'a pas le droit sur ce que tu détiens. Donc pas d'obligation de t'aider quand t'es en chien. Ne t'aide surtout pas ce que la huit est mon maîtrise. On garde la tête haute et cela même si c'est la crise. Là où j'en suis, je peux te le dire, je le dois à personne. Tête à mon sosnenti, voilà, c'est la seule personne. J'ai pas attendu de faire des feats pour m'améliorer. Personne n'était là comme mes darons étaient en manque de monnaie. J'suis pas étonné, beaucoup de gens parlent. C'est que les jaloux sont en larmes, ça me fait de la pub, j'm'en bats. J'marche tout seul, moi j'suis toujours tout seul. Arme blanche à fréquette, donc j'me répète toujours tout seul. Pas pour ça ton avis, si j'veux faire un sonore qui touche grave. Des rimes et des faces, j'en ai un big rap. C'est tout seul que j'me suis mis à travailler. Pour investir dans le matos et pouvoir m'enregistrer. C'est tout seul que j'me suis créé mon jeu plat. Avant de m'appeler Matek, les gens dans la rue m'appelaient Thomas. Tout ça pour dire, c'est grâce à personne là où j'en suis. J'marche tout seul et jusqu'à la fin, j'marcherai ainsi. Ne rejette pas tes fautes sur les tiens. Le choix de la voie de t'empreinte t'appartient. Ne t'influence pas de ce que les gens te disent. N'écoute pas leurs critiques, n'écoute pas leurs sottises. On n'a pas le droit sur ce que tu détiens. Donc pas d'obligation de t'aider quand t'es en chien. Ne t'aide surtout pas ce que la huit est mon maîtrise. On garde la tête haute et cela même si c'est la crise. C'est pas les dealers qu'il faut blâmer. C'est la main qui tend le billet, saisit le briquet pour cramer. J'ai entendu des alcooliques qui rejettent leur dévolu sur autrui. Ils oublient que c'est eux qui ont introduit dans leur conduit le produit qui les a détruits. Pourquoi quand je fais un pas de travers, tes poils s'érissent? T'es pas mon grand frère, c'est pas toi qui cours les risques. Que je périsse ou pas, ça changera pas la couleur de ta prise. On peut pas construire des ponts à tes caprices, à ta guise. Assume ta chute si t'escalades sur un mur où t'as pas prise. La barrette que t'achètes t'appartient, tu l'as prise. Faut pas que tu la regrettes. Tu te fais sauter au test cannabis. Même en troupe je traîne seul. Même en groupe je rappe tout seul. Et à ceux que ça fout le seum, je vous l'introduis en douceur, je vous mets tout seul. Ne rejette pas tes fautes sur les tiens. Le choix de la voie de t'empreinte t'appartient. Ne t'influence pas de ce que les gens te disent. N'écoute pas leurs critiques, n'écoute pas leurs sottises. On n'a pas le droit sur ce que tu détiens. Donc pas d'obligation de t'aider quand t'es en chien. Ne t'aide surtout pas, c'est que la huit est mon maîtrise. On garde la tête haute et cela même si c'est la crise.